L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de verts pâturages, il me fait reposer. Il me mène à des eaux paisibles. Il me mène à des eaux paisibles. L'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les voies de sa justice à cause de son nom. À cause de son nom, même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de verts pâturages, tu me fais reposer. Tu me mènes à des eaux paisibles. Tu me mènes à des eaux paisibles. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de verts pâturages, tu me fais reposer. Tu me mènes à des eaux paisibles. Tu me mènes à des eaux paisibles. Tu me mènes à des eaux paisibles.